Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, le direct de 18h-19h sur Radio Guémozo 107 FM. Aujourd'hui, ou même ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre Tisserand, pardon, du syndicat du miel de montagne vosgienne. Bonjour Pierre. Bonjour. Tout va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Et j'imagine que vous êtes content d'être là pour parler à nos auditeurs. Je suis toujours ouvert à la discussion et à parler de l'abeille, du miel et de la montagne vosgienne. Eh bien, j'espère que nos auditeurs ont hâte d'en savoir plus, en tout cas auditeurs à qui nous disons bonsoir. Et puis, c'est parti. Donc, Pierre, vous êtes du syndicat de la miel, du miel et de la montagne vosgienne, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je suis le président depuis une dizaine d'années. Vous êtes le président de toute une association, un ensemble de ruchers, c'est bien ça? Alors, c'est une association qui regroupe des apiculteurs, des éleveurs d'abeilles, et j'ai un peu plus de 300 adhérents. Oh, c'est beaucoup! Et c'est dans toutes les Vosges? Sur toute la partie sud des Vosges. Et ça va de où à où? Alors, le périmètre, c'est entre Épinal et Remiremont, Bruyères, Gérardmer, La Bresse, Bussan, et puis un petit peu les Vosges saônoises, Plombières, Val d'Ajol, Certigny. Et pas de Vosges alsaciennes? J'ai un adhérent qui est alsacien, j'en ai un qui est de... C'est quelques-uns qui sont extérieurs, mais la majorité sont proches. D'accord, donc effectivement, c'est un rassemblement de différents ruchers du coin. C'est pourquoi, en fait, tout ce rassemblement, entre guillemets? Alors, ce rassemblement d'apiculteurs, c'est pour des choses pratiques, c'est-à-dire que c'est le principe d'une association, c'est un syndicat professionnel, mais c'est une association, pour obtenir des cours pour qu'il y ait des cours sur l'apiculture, pour qu'il y ait la gestion des ruchers, pour la santé de l'abeille aussi. Il faut qu'il y ait une organisation générale pour gérer les apiculteurs. D'accord. Je vous ai contacté en essayant de contacter le rucher des Avolets. C'est de là que vous venez ou pas du Alors, tout? Alors, le rucher des Avolets, c'est une installation qui se trouve à l'épanche commune de Rue-sur-Moselle. Cette installation, elle date d'un peu plus de 50 ans. Ah oui? Oui, mes prédécesseurs ont fait un excellent travail. Et sur ce site du rucher des Avolets, il y a une salle de réunion, il y a une miellerie collective, des locaux de stockage et il y a trois ruchers, trois ensembles de 8 à 10 ruches. Je pense c'est pas mal, ça fait quand même beaucoup d'abeilles, 10 ruches, j'imagine. C'est une très belle installation qui a une grande valeur pour notre association et pour l'apiculture en général. Je sais pas si je peux vous demander, mais si, est-ce que vous savez pourquoi le syndicat, en fait, a été créé, le syndicat Miel-Montagne Vosgienne? Alors, le syndicat Le Miel de la Montagne Vosgienne a été créé, en je ne sais plus quelle année exactement, mais c'est pour que les apiculteurs se regroupent pour certaines choses, en particulier pour la... éviter les propagations de maladies, c'était, je pense, au départ sanitaire, parce qu'il y avait des problèmes, comme on rencontre actuellement, le varroa, qui est un parasite. Donc, il y a différentes méthodes pour minimiser les dégâts de cet animal. Très bien. D'ailleurs, tiens, tant que j'y pense, ça fait longtemps que vous baignez dans l'apiculture et dans les abeilles? J'ai démarré, j'étais adolescent, avec un voisin qui avait des abeilles et il fallait de temps en temps aller l'aider. Et puis après, il y a eu une grosse coupure. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Oh, il faut que tu aies des abeilles ». Et puis j'ai démarré maintenant, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années. Oui, donc c'est quand même quelque chose de bien ancré maintenant dans votre vie. Oui, c'est important. qu'est-ce que je voulais vous demander ? Oui, le rucher des Avolés, vu que je le répète pour nos éditeurs, c'est par là que je vous ai contacté, le rucher des Avolés en lui-même ne propose pas grand-chose, ou il a une... Il y a une vie importante au rucher des Avolés, c'est-à-dire que sur l'année, tous les troisièmes samedis de chaque mois, il y a une permanence pour les adhérents. Ils peuvent venir chercher des produits de nourrissement, ils peuvent venir chercher du matériel, des pots pour mettre le miel, parce que nous avons un pot qui est sérigraphié au logo de notre association. Il y a aussi de la formation qui est organisée pour ceux qui veulent devenir apiculteurs, c'est-à-dire que tous les ans, on a un cycle pour la formation à l'apiculture. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a fin août ou début septembre, on organise la fête des abeilles. C'est-à-dire que c'est une manifestation genre porte ouverte, une manifestation qui est ouverte au public. Et là, on présente certaines choses. Il y a une présentation vidéo, il y a une présentation l'année 2017. Nous avons extrait du miel en public. Waouh ! Ah oui, c'est très, très particulier. Hein. Bien sûr. Et il faut respecter certaines sécurités pour éviter tout risque de piqûre, bien sûr. Mais bon, depuis que j'organise la fête des abeilles, je n'ai pour l'instant pas eu de problème. Et cette fête des abeilles, elle se déroule quand ? Parce que j'imagine que là, comme on est en plein hiver, hein, les abeilles ne mettent pas trop le bout de leur nez dehors. Alors, en ce moment, les abeilles, elles sortent quand il y a un beau rayon de soleil pour aller sur les noisetiers ou quelques plantes très précoces. Mais autrement, elles ne sortent pas. La fête des abeilles, elle, se déroule fin août ou début septembre, suivant le calendrier. D'accord, donc quand il fait déjà bien chaud... C'est une période où les abeilles sont dehors. Ah oui, c'est peut-être plus confortable pour elles, justement, les petites abeilles. Non, mais bon, disons, c'est dans le cycle de la ruche. Hein. La ruche, elle a une vie très particulière, donc à cette saison, les abeilles vivent longtemps. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'elles vivent 3-4 mois. Alors qu'en pleine saison, une abeille, elle va vivre 45 jours. Donc, vous me dites que la durée de vie d'une abeille, c'est que de 3-4 mois maximum ? 3-4 mois en période hivernale. D'accord. Et en période estivale, ça peut se raccourcir à 45 jours. Waouh, c'est assez court quand même. Hein. Il faut savoir que dans la ruche, il y a une abeille qui va vivre beaucoup plus longtemps, c'est la reine. Bien sûr. Et la reine a un rôle, pas de porter la couronne ni de gérer toutes les situations. Hein. La reine, son rôle, c'est de pondre pour qu'il y ait de nouvelles abeilles. Oui. C'est-à-dire qu'à cette période-ci de l'année, la reine commence à pondre. Mais elle va pondre elle pond très peu parce qu'il n'y a pas... Il n'y a rien à récolter à l'extérieur qu'un petit peu de pollen sur les noisetiers et puis quelques rares plantes qui fleurissent en ce moment. Oui. Mais il faut renouveler les abeilles qui vont mourir parce qu'elles arrivent en fin de vie, elles ont passé... Et comme elles ne vont pas beaucoup dehors, elles s'usent moins, mais l'abeille d'hiver dure 3-4 mois et après... On va avoir des abeilles qui vont durer un mois et demi, deux mois maximum. Et puis en pleine saison, comme elles vont énormément à la récolte, oui. Elles s'usent très vite. Ah oui, elles se fatiguent beaucoup. Voilà. Et il faut savoir qu'une reine, elle pond en pleine saison son poids en œufs par jour. Waouh, c'est énorme. Si on compare ça à une poule, hein, oui. Une poule qui pond en élevage traditionnel... 6 œufs par semaine, une poule, elle pondrait 40 œufs par jour. Ah oui, c'est quand même, c'est énorme. C'est énorme. Et la durée de vie de la reine, en général, c'est combien de temps? Maintenant, on se rend compte que les reines ne vivent pas très longtemps. La durée de vie normale d'une reine, c'est 5-6 ans. Et maintenant, on se rend compte qu'au bout de 3 ans, elles sont très faibles. Mais ça, c'est parce qu'il y a une régression de leur espérance de vie ou c'est simplement parce que les observations ont changé? Il y a des modifications qui sont dues à beaucoup d'éléments, comme les autres animaux. Il faut savoir que les poissons deviennent de plus en plus... Il y a de moins en moins de mâles dans les poissons. Oui. Oui. Et chez les abeilles, les mâles d'abeilles, parce que dans une ruche, il y a des mâles. D'accord. Et les mâles d'abeilles ont 70% de leurs spermatozoïdes sont mauvais. Ah oui, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Et chez d'autres animaux, on constate ces gros problèmes de fécondité. Oui, bah déjà après, il me semble que... Bon, ça c'est juste une parenthèse, chez l'être humain aussi, le taux de... On fait partie de certains animaux. Est-ce que ça a toujours été le cas que les spermatozoïdes des abeilles mâles soient si mauvais? C'est un constat qui est fait actuellement, hein, mais il faut savoir que bon, y a un problème au niveau des reproducteurs dans toutes sortes d'animaux. Est-ce que ça c'est dû à cause de l'environnement ou à cause, enfin, est-ce que a une certaine cause surtout humaine? Les pesticides sont pointés du doigt. Hein. Ah, les pesticides, et on en reparlera tout à l'heure à l'antenne, oui. Hein, ça fait partie des autres questions que j'ai l'intention de vous poser. Oui. Et aussi, bah, peut-être que nos auditeurs auront aussi envie de savoir quel impact les pesticides ont sur les abeilles. Mais en attendant, tant que je vous le demande aussi, si j'ai envie d'aller acheter du miel ou des bougies en cire d'abeille, où est-ce qu'il faut que j'aille pour aller au producteur, bien sûr, parce que le but, ce n'est pas d'aller au supermarché. Oui, y a des producteurs. C'est vrai que je vous ai dit que j'avais 300 adhérents sur le secteur, sur un grand secteur, mais sur le secteur. Donc, il y a des apiculteurs qui vendent leur production et il n'y a pas de souci pour en trouver. D'accord, il n'y a aucun souci. Les récoltes ne sont pas énormes. L'année 2017 a été une année à peu près correcte. L'année 2016 a été une année catastrophique, mais pas sur... ça a été sur une très très grosse surface en Europe. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, donc, vous avez dit que c'est plutôt facile de trouver un producteur qui vend son miel. Bon, quoique, il y a peut-être aussi les marchés. Et comment est-ce que je sais si, par exemple, hein, j'ai pas le temps d'aller chercher un producteur, je vais au supermarché, j'essaie de m'assurer que le producteur fait peut-être partie de ce syndicat du miel et de la montagne vosgienne? Alors, il y a une grande surface à Remiremont qui vend le miel de la montagne vosgienne, le miel du rucher des Avolées. D'accord, ah, c'est fantastique. Parce qu'on ça. On a une production et on a un accord avec une grande surface de Remiremont. Ah, c'est fantastique. Et donc, vous parliez d'une espèce de logo ou de surimpression. On a un logo qui représente deux demi-sapins sur l'extérieur, un écusson au centre avec une abeille au-dessus. Sur l'écusson, il y a les trois... Ah, je ne sais plus comment ils s'appellent, les trois oiseaux de la Lorraine. Et puis en dessous, il y a trois sapins. Et de chaque côté de cet écusson, il y a une marque déposée parce que le syndicat Le Miel de la Montagne Vosgienne est une marque déposée. Donc c'est une appellation d'origine contrôlée? Non, c'est différent. Ah, c'est pas pareil. C'est une marque déposée. C'est pas les mêmes critères qu'une appellation d'origine contrôlée ou d'origine protégée. D'accord. Ah tiens, ça je ne savais pas. Ben, j'imagine, hein, on en apprend tous les jours. Mais hein. On est là pour ça, hein, et puis on est là pour informer. Bien entendu. Donc on parlait, oui, de ce miel qu'on peut aller chercher. Mais est-ce que, j'imagine que le syndicat du miel et de la montagne vosgienne, en plus de faire du miel, fait des bougies, c'est bien ça? Alors, ou de la cire. Les bougies, c'est, il y a certains apiculteurs qui en font. C'est une petite activité. Alors, on rencontre ça sur les marchés de Noël. On rencontre ça, mais bon, c'est pas une grande fabrication. D'accord. Et au niveau du miel ici, qu'est-ce qui se fait le plus? Alors ici, ce qui se fait le plus, c'est le miel de montagne. Et bon, c'est vrai que c'est une question un peu bête, mais qu'est-ce qu'elles butinent dans ce cas, les abeilles? Parce que bon, j'imagine, elles ne peuvent pas butiner les montagnes. Alors, pour faire le miel de montagne, il faut des fleurs, bon, toute la flore de la montagne, et il faut aussi qu'il y ait du miellat. Alors, le miellat, c'est une sécrétion qui est produite par des pucerons qui vont sur des plantes. Et on a le fameux miel de sapin qui est un miel de miellat. Et cette sécrétion des pucerons est une production très importante. Quand le sapin donne, les apiculteurs sont heureux. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous arrivez à différencier le miel de sapin, du miel de montagne, du miel de fleur? Enfin, outrepasser le goût, bien entendu. Mais je veux dire, une abeille peut aller butiner des fleurs, puis des sapins. Et oui, on ne peut pas faire la différence alors, comme il ça. Il faut savoir qu'un miel pur n'existe pas. C'est toujours un mélange. D'accord. C'est toujours un mélange. Pour qu'il ait une appellation miel de sapin, il faut que le miel soit analysé. D'accord. Hein? Dès l'instant où sur un pot on met miel 2, il doit y avoir une analyse qui justifie ce qu'il y a après le 2. Et après, c'est un label, mais c'est aussi, c'est pas aussi en fonction de là où se trouvent les ruches? Oui, mais on a des surprises. C'est-à-dire? Parce qu'une abeille, elle peut aller récolter jusqu'à 3 km de la ruche. D'accord. Et on se rend compte qu'on a des fois des surprises dans un résultat d'analyse. On va trouver une plante qu'on ne soupçonne pas dans le secteur. Et puis on a des plantes qui vont apporter, comme dans certains miels de montagne, on va trouver des pollens très particulier parce que la plante a un pollen qui est très important et puis on va le retrouver dans le miel. D'accord. Et est-ce que ça arrive aussi que enfin c'est pas la ruche en elle-même qui décide là où elle va butiner ou c'est on va dire ses préférences gustatives? Alors les abeilles vont au plus facile. D'accord. Elles sont très organisées pour ça. C'est-à-dire que s'il y a alors, on rencontre une chose qui est très particulière, c'est quand le sapin rejette beaucoup de miellat, les abeilles vont sur le sapin et négligent la fleur. Ok. Donc, à cette période-là, elles ne vont ramasser aucun pollen. Et il faut du pollen dans la ruche pour nourrir les futures abeilles. D'ailleurs, c'est vrai, c'est une question que je me pose. Les abeilles, en vrai, elles se nourrissent de quoi? Alors, les abeilles adultes se nourrissent de miel. Oui. Mais pour, entre le moment où la reine a pondu et la naissance de l'abeille, pour la transformation de l'œuf en larve, de l'arbre en nymphe et en abeille, il faut qu'elle soit nourrie. Cette petite larve, elle va être nourrie avec de la gelée royale et une bouillie que les abeilles font avec de l'eau, du pollen et du miel. Et justement, bah alors récolter le miel, c'est pas voler la nourriture aux abeilles? Mais les abeilles sont généreuses. Et si elles trouvent du miel ou du nectar en quantité, elles vont en ramasser et le stocker. Hein, c'est un peu l'histoire de la cigale et de la fourmi. Oui. Mais l'abeille elle ramasse. Tant qu'elle trouve, elle ramasse. Et puis, bon, ben, on le prélève le surplus. D'accord. J'ai peut-être envie de proposer la première parenthèse musicale, si ça vous tente. Oui, pas de problème. Bon, ça va pas être très long, hein. On parle d'abeilles. Alors bon, qui dit abeille dit Maya l'abeille. Donc, on va juste passer brièvement le générique de Maya l'abeille et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. Dans un pays de tous les temps, vit la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps s'envoler. C'était le générique de Maya l'abeille. Vous êtes toujours sur Radio Guémozo 107FM dans l'émission L'heure des loups et je suis toujours en présence de Pierre Tisserand, donc le président du syndicat du miel de la montagne vosgienne. Donc si vous avez envie de réagir, hein, vous pouvez toujours nous écrire sur notre page Facebook ou nous appeler donc au 03 29 62 40 40. Vous êtes toujours là, Pierre ? Mais oui. Donc on parlait d'abeilles, on parlait de ce dont se nourrissaient les abeilles et aussi vous aviez dit la générosité qu'elles ont, donc qu'elles font en trop. Donc ça ne les dérange pas trop que l'homme ou d'autres animaux, je crois les ours, viennent se servir. Non, il n'y a pas que les ours, les souris. Ah bon ? Les souris peuvent rentrer dans les ruches et ça c'est vraiment quelque chose de pas bien. Les blaireaux font des dégâts. Oui. Les blaireaux, ils culbutent les ruches et ils mangent ce qu'ils trouvent à l'intérieur en période hivernale, hein, ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a des fouines aussi. Oui, c'est... Oui, donc en fait, il n'y a pas que les ours et les êtres humains. D'ailleurs, je me suis dit, on aurait pu passer aussi du Winnie l'ourson, mais là, on serait allé un peu loin. Oui. Et il y a des animaux ici qui ont tendance à faire des dégâts dans les ruchers. Alors, les dégâts, c'est, oui, principalement les souris. Il faut faire attention en période, en fin d'année, à l'automne, il faut faire tout pour que les souris ne rentrent pas dans les ruches. Les blaireaux, on ne peut pas grand-chose faire parce que, bon, bah, un blaireau, c'est puissant et ça agit en plein hiver en général et... On ne va pas voir les ruches tous les jours en plein hiver et on ne peut pas constater vraiment le... Il y a aussi les oiseaux, certains oiseaux comme les pics verts. Les pics verts, sur une ruche en mauvais état, ils vont la percer pour se nourrir en plein hiver. Bon, avec les hivers doux qu'on a actuellement, on rencontre moins de dégâts l'hiver avec des prédateurs. Parce que qu'est-ce qui peut être un hiver rude, en fait, pour les prédateurs et pour les abeilles ? Ben, un hiver rude, c'est quand même quand il y a une longue période de gel. Les animaux ont du mal de trouver un peu de nourriture. Et bon, ben, s'ils savent qu'il y a du sucre dans une boîte en bois et puis qu'ils peuvent y accéder, hein, c'est une nourriture saine, hein, du sucre, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, j'avais lu quelque chose qui disait que le miel est un des seuls aliments qui ne périment pas. Est-ce que c'est vrai ? Alors, la date de péremption sur un pot de miel, c'est 2 ans à la mise en pot. Et donc... S'il est stocké en fût pendant 5 ans, le jour où il est mis en pot, il a une date de péremption de 2 ans. Donc, est-ce que cette date de péremption est, on va dire, réelle ou... Elle ne veut rien dire. D'accord, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire. Donc, si on a du miel qui, entre guillemets, dépassé selon l'étiquette, on peut le manger quand même ? Ah ben, il n'y a aucun souci. Le miel, il faut qu'il soit conservé dans un endroit sec. D'accord. Parce que le miel a un défaut, c'est qu'il est hygrophobe, c'est-à-dire qu'il va aspirer l'humidité qu'il y a environnante. D'accord. Autre chose, si le miel cristallise, c'est un phénomène naturel du miel. Oui, bah, d'ailleurs, je crois que ça s'achète aussi, le miel cristallisé, tout court. Oui, mais bon, dans la région ici, la plupart des clients n'aiment pas le miel cristallisé. C'est une habitude locale. Le miel cristallisé peut se rendre à nouveau liquide en le chauffant, mais à basse température, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 40 degrés. D'accord, donc vraiment, oui, à température très, très voilà. Douce. Si je sais ce que je voulais demander d'autre. C'est vrai que j'ai parlé de miel, de bougies, mais on ne fait peut-être pas que ça. Qu'est-ce que produit une ruche ? Oui. Ah, alors une ruche, ça produit beaucoup de choses. ça produit, alors, la gelée royale. La gelée royale, c'est la nourriture pour la reine. Pourquoi la reine, elle arrive à pondre 100 poids en œufs par jour ? Parce qu'elle a une nourriture qui est exceptionnelle. D'accord. Et au départ, l'œuf qui va devenir une reine, c'est le même œuf qui va faire une ouvrière ou qui va faire un mâle. D'accord. Mais la nourriture étant différente, la reine, elle va avoir une énergie et une vie tout à fait différente. Les autres productions de la ruche, la cire. Bien sûr. Parce que les abeilles fabriquent de la cire. Alors la cire, elle peut être utilisée en cosmétique et pour faire des bougies. Il y a un peu plus de 100 ans, on avait des abeilles, c'était pour avoir de la cire pour faire des bougies parce qu'il n'y avait pas l'électricité. Oui, il n'y avait pas la paraffine, je crois. Oui. La propolis. Alors, oui. La propolis, c'est un espèce de mastic. C'est pas de la cire, mais c'est un mastic que les abeilles utilisent pour fermer toutes les ouvertures, toutes les fissures qu'il y a dans une ruche. Et la propolis, c'est un produit qui est utilisé en pharmacie, qui a des effets, qui contient des antibiotiques. Bon, bien sûr, le miel. Hein. Bien entendu. Mmh. Le venin d'abeille. Ah ben oui. Oui, bien sûr. Le venin d'abeille, certains apiculteurs récupèrent le venin d'abeille pour le transmettre à un laboratoire pour faire certaines préparations. Et il fait ça sans faire de mal aux abeilles ? Comment ? Il fait ça sans faire de mal aux abeilles ? Ah ben je pense, parce qu'autrement il pourrait pas le faire beaucoup, parce que la quantité est pas énorme. Oui, et puis une abeille meurt à chaque fois qu'elle pique. Alors, oui, elle va mourir parce qu'en général, elle perd le dard. Mais celui qui récolte le venin d'abeille, il a une technique particulière pour qu'elle ne perde pas le dard. Ah, c'est super ça. Voilà. Le venin d'abeille est utilisé aussi dans la ruche pour la conservation du miel. Comment ça ? Alors, quand l'alvéole est pleine, que le miel est bon à être conservé dans la ruche, l'abeille, avant de fermer la petite alvéole où il y a du miel, elle va mettre une micro-goutte de venin pour que, comme conservateur pour le miel. D'accord. Avant de fermer l'alvéole. Le pollen, alors le pollen, les abeilles ne le fabriquent pas, mais elles le récoltent. Oui. Hein, donc, et puis ça sert dans leur nourriture. Alors, maintenant, les différentes activités de l'abeille, ça, c'est les productions. Hein. Donc, il y a la pollinisation, c'est-à-dire que l'abeille est responsable, entre guillemets, de la majorité de tout ce qui est fruits, semences et compagnie, parce que s'il n'y avait pas d'abeille, comme c'est l'insecte pollinisateur le plus nombreux, s'il n'y avait pas d'abeille, il y a beaucoup de choses qui changeraient. Hein. Ah, j'imagine. Autre dérivé, l'hydromel. Alors l'hydromel, c'est une boisson fermentée à base de miel. Un peu comme du chouchène ? Ah ben, c'est le chouchène, c'est de l'hydromel. Ah d'accord. Voilà. Et puis alors, on va aller dans un autre dérivé, le pain d'épices. Oui. Une pâtisserie qui est faite avec... Avec du miel. Du miel. Et oui, et donc tout ça, c'est la globalité de la production de votre syndicat ou même simplement de tous les apiculteurs en général? Non, au niveau du syndicat, bon, la majorité de la production, c'est du miel. Bien sûr. La cire, les apiculteurs la récupèrent et on la fait transformer en feuilles de cire qu'on remet dans les ruches. Pour qu'elle puisse reconstituer. Parce que d'ailleurs, ça aussi, c'est une question que je voulais vous poser. Déjà, comment la cire d'abeille est-elle fabriquée, si vous le savez? Eh bien, c'est les abeilles, les jeunes abeilles, au printemps, elles consomment du miel et elles ont des glandes cirières qui sont très actives. Et une fois une certaine... plus on avance dans la saison... moins elles sont actives au niveau cire. D'accord. Il y a une période de l'année où elles fabriquent beaucoup de cire. D'accord. Mais dès qu'on arrive au mois de juillet, elles fabriquent de la cire, mais plus en quantité comme au printemps. Et donc, prélever de la cire, ça les affecte pas? Alors, prélever de la cire, bon, quand on récolte le miel, il faut savoir que les alvéoles sont fermées, donc il faut les ouvrir. D'accord. Donc là, on récupère tous les couvercles des alvéoles, qui s'appellent les opercules, et on a une cire d'excellente qualité. Et chaque année, on change des cadres dans une ruche. Oui. Et ces cadres-là, il va falloir les reconstituer, les rénover. Donc, on récupère la cire, on fond cette cire-là, on l'épure et on a de la cire. Et on refait parfois aussi un petit peu de cire pour les abeilles, pour qu'elles puissent se reconstituer, ou alors, elles le font toutes seules? Les feuilles de cire, on met des feuilles de cire pour les diriger, pour éviter qu'il y ait des constructions anarchiques. D'accord. Parce qu'en pleine nature, une colonie d'abeilles, elle va faire des constructions de cire sans problème. Hein. Oui, ben j'imagine. Ah oui. En quelques heures, un essaim d'abeilles, il fabrique... un morceau de cire qui est gros comme la main. C'est quand même beaucoup. Enfin, vu la taille des abeilles, oui, c'est énorme. Hein. C'est beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous demander? C'est déjà ça sur la cire d'abeille. Et d'ailleurs, tiens, c'est une petite question encore à part. Vous êtes plus pour les bougies à la paraffine ou les bougies à la cire d'abeille? Aucune ambiguïté là-dessus. On ne va pas parler de bougies autres que de bougies en cire. Oui, c'est de la cire synthétique ou de la cire naturelle. C'est la bougie en cire, elle a un petit parfum qui est différent et elle est... Il n'y a pas à comparer. Donc vous êtes clairement pour la cire d'abeille. Ah oui. Bon, d'ailleurs, j'avais aussi lu quelque chose que la paraffine, c'est assez polluant. Bon, je dis ça alors que j'ai plein de bougies à la paraffine chez moi, alors que la bougie à la cire d'abeille est très, très assainissante, contrairement à la bougie à la paraffine. Oui, la paraffine, c'est dérivé du pétrole. Oui, donc forcément, hein, le pétrole est partout dans nos vies. Je voulais vous demander concernant aussi les abeilles, mais là c'est plutôt un facteur de danger. Ça fait quelques années qu'on entend un petit peu parler des frelons asiatiques. Alors est-ce qu'il y en a ici? Alors dans les Vosges, on n'a pas trouvé de frelons asiatiques. On a le frelon européen qui est là depuis peut-être même avant l'homme. Et bon, le frelon européen attaque les abeilles, mais n'a pas des colonies aussi importantes que le frelon asiatique, et il n'y a pas de dégâts à cause du frelon européen. Par contre, les régions qui sont soumises au frelon asiatique, c'est une catastrophe. Ah oui, parce que les frelons sont extrêmement dangereux pour les abeilles, il me semble. Ils mangent les abeilles. Quand il y a un nid de frelons à proximité d'un rucher, le rucher est décimé en très peu de temps. Ah oui, donc c'est vraiment une catastrophe. Et si on se rend compte qu'il y a des frelons asiatiques, il faut réagir, c'est ça? Alors le frelon asiatique, bon, ici on n'en a pas, mais on a pris en France un gros retard dans le combat de cet insecte. Hein, et bon, il y a très peu de statistiques parce que les personnes qui sont piquées par des frelons asiatiques, en statistique, c'est piqûre d'hyménoptère. Et l'hyménoptère, c'est un insecte qui est comme l'abeille, comme la guêpe, comme le frelon. Donc, il n'y a pas de statistiques de fait. Donc, la lutte n'évolue pas bien. Ah, c'est bien dommage. C'est dommage. C'est bien dommage en espérant que le frelon asiatique ne débarque pas dans nos Vosges. Je voulais vous demander, oui, effectivement, vous aviez parlé de piqûres, et tant que j'y pense, qui dit piqûre dit parfois allergie. Alors bon, on ne va pas parler des guêpes, hein, ma plus grosse hantise, mais si une personne allergique aux piqûres d'abeilles se trouve avec une abeille, on va dire, sur la main ou sur le bras, quelle est la réaction qu'elle doit avoir? Alors ça, c'est très rare que ça se produise, c'est-à-dire que quand j'organise une visite à proximité d'un rucher, on fait très attention à ce que les personnes n'aient pas des parfums particuliers. Et il y a des petites choses, il y a une petite chose très importante, c'est-à-dire que dans la conduite de s'approcher de ruchers, ou quand on a par exemple la guêpe a un comportement totalement différent de l'abeille. Mais quand on a peur d'être piqué, il y a une conduite à tenir, et c'est serrer les dents. Alors, pourquoi? Beaucoup pensent que c'est pour ne pas avaler un insecte, mais pas du tout. C'est une chose que l'homme connaissait très bien il y a longtemps. Il l'a oublié, et puis on le retrouve maintenant. En serrant les dents, on dégage un enzyme répulsif. Et l'insecte s'en va. Très bien. Donc, si on se retrouve avec une abeille sur le corps et qu'on ne veut pas être piqué, il faut serrer les dents. Il faut serrer les dents. Donc... Mais je dis, une abeille, elle va vous pique-niquer. Vous allez être dérangé par quel insecte? Oh, surtout par les guêpes et les fourmis. Bon, les guêpes, les fourmis. L'abeille est végétarienne. Donc... Oui. Vous ne la verrez jamais quand vous faites un barbecue, parce qu'avec la viande, elle ne vient pas. Donc c'est déjà ça. Voilà, c'est déjà ça. L'abeille, elle va sur les fleurs. Si elle est agressive, c'est qu'il y a eu intervention humaine à proximité, c'est-à-dire qu'il faut être, quand on est apiculteur, il faut être très vigilant envers le voisinage. Ne pas aller travailler dans des ruches. Quand les enfants jouent de l'autre côté de la haie, voilà. Parce que quand on intervient dans une ruche, on peut rendre les abeilles un peu agressives. Oui, ça se comprend. On les dérange. Donc il faut faire ça de manière très saine et être très bon voisin pour ne pas avoir de problème. Mais autrement, la guêpe, elle, est beaucoup plus... importune beaucoup plus les personnes. Oh oui. Oui. Je voulais vous demander aussi d'autres choses. Hein. Déjà, on a des informations sur les guêpes. Oh, vous savez quoi? On va passer une autre parenthèse musicale, non? C'est parti comme ça. Alors, on va mettre cette fois Dubourville qui nous chante une petite chanson qui s'appelle « La belle abeille ». Et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Si vous voulez qu'on chante, il faut faire du silence. Hein. Dis donc, tonton, qu'est-ce que tu vas nous chanter? La belle abeille, ça vous va? Oh hein? Allons-y. Sans crainte des embûches, une abeille au réveil s'envola de sa ruche, chantant l'hymne au soleil. La belle abeille a butiné les blés barbus. La belle abeille a bu, la belle abeille a vu ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. Je n'arriverai jamais à dire ça, moi. Ben justement, ça tombe bien. Si tu peux pas le dire, tais-toi. Allez, allons. Posée sur une rose, elle vit un bourdon qui fut pour elle cause d'une grande émotion. Il fallait pas grand-chose pour lui faire peur. Oh, alors, de la discipline. Écoutez plutôt votre oncle chanteur. Alors. La belle abeille a butiné les blés barbus. La belle abeille a bu, la belle abeille a vu ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. Alors, sans plus attendre, le bourdon très galant l'invita d'un air tendre en son appartement. La belle abeille a butiné les blés barbus. La belle abeille a bu, la belle abeille a vu ce qu'abeille avait vu, ce qu'abeille avait vu. C'est difficile à dire, hein? Oui, oui, je sais, je sais. Je voudrais bien t'y voir, hein. Je t'en prie, hein. Les parois sont de verre, le plafond de papier. Je suis seul locataire en pleine liberté. La belle abeille a butiné les blés barbus. La belle abeille a bu, la belle abeille a vu ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. Dis tonton, pourquoi tu vas moins vite? Oh, moins vite, je vais pas tellement moins vite. Ou t'as vu, j'allais moins vite. Tu sais, toi, tu commences à avoir certaines libertés qui ne me plaisent pas du tout, hein, tu sais. Alors, notre petite abeille, écoutant le bourdon, à ces mots s'émerveille et fait de grands yeux ronds. Qu'est-ce que t'as à rire, toi? C'est Roger qui fait le bourdon. Oh, ben t'es malin. C'est bien la peine que je m'applique à chanter d'une façon artistique. La belle abeille a butiné les blés barbus. La belle abeille a vu, oui, on s'est trompé, la belle abeille a vu ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. Bientôt leur apparurent tous les bonheurs promis. C'est un pot de confiture qui leur servit de nid. Bah, ils ont dû en manger des tartines. Oui, c'est ça, c'est ça. Dites un peu, chantez plutôt le refrain, on va voir si vous êtes si fort, hein? La belle abeille, la belle abeille a vu, la belle abeille a vu, ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. Voyez-vous, ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. Et vous êtes de retour sur Radio Guémouzo 107FM dans l'émission L'heure des loups. Nous sommes toujours avec Pierre Tisserand du syndicat du miel et de la montagne vosgienne. Et si vous voulez, vous pouvez toujours nous écrire sur Facebook ou nous appeler au 03 29 62 40 40. Alors juste avant la pause musicale, on avait parlé de quoi déjà? Alors je réagis tout de suite avec la chanson de Bourvil. Ah mais je vous en prie. Parce qu'il parle de confiture. Alors si on est importuné par des abeilles quand on pique-nique ou quand on mange dehors, c'est pas parce qu'on a de la confiture, c'est pas parce qu'on a du sucré, hormis quelques pâtisseries qui pourraient les attirer, mais c'est très très rare. Si on est importuné par des abeilles, c'est qu'on a du miel sur la table ou qu'on en a renversé. Ah bah oui, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et, ah oui, et c'est de ça dont on parlait, comment réagir face à un insecte si on est allergique, enfin face à un insecte, face pas n'importe quel insecte, hein, bien sûr, les abeilles. Oui, et comment faire peut-être pour ne pas les tuer vu qu'elles sont quand même, il me semble qu'elles sont en voie d'extinction, non? Alors, c'est vrai que c'est un domaine très particulier. Nous sommes les seuls éleveurs à avoir autant de pertes de cheptel tous les ans. À ce point, c'est-à-dire quand j'ai débuté l'apiculture, on perdait une moyenne de 10% par an. Et maintenant, on est au-dessus de 20%. Ah oui, quand même. Et par rapport à ce que les rennes pondent derrière, ça suffit pas, j'imagine. Non, c'est pas ça, mais on a des colonies qui s'épuisent vite, on a des pertes qui sont dues à quelque chose de... Il y a des éléments qu'on maîtrise pas, quoi. Des problèmes de pollution, des problèmes... voilà. On a des pertes d'abeilles qui sont très importantes et... Et tout ça, c'est à cause de quoi, selon vous? On s'est rendu compte qu'il y avait certains mélanges de pesticides qui provoquaient des catastrophes importantes à des doses très faibles. Ah oui, bah, oui. Il paraît que c'est un animal, c'est un être vivant très fragile, les abeilles. Ben disons, oui, puis il faut savoir que depuis quand même plus de 50 ans, on a empoisonné la terre avec des pesticides. Oui. Et la nature rejette ces pesticides-là de manière un peu particulière. Ça, on retrouve ça dans la rosée. La rosée du matin ? La rosée du matin. Et il faut savoir qu'une ruche, elle consomme 40 litres d'eau par an. Oui. Ah oui ? Bah oui, il faut bien qu'elles boivent. Hein. Oui, non, il faut de l'eau. Donc, elles vont chercher souvent de l'eau, elles vont récupérer de la rosée. Hein, et pour un litre d'eau, elles font quand même 40 000 voyages. Oui. Donc, c'est pour ça qu'elles sont nombreuses. Et si dans cette eau-là, il y a un mélange qui n'est pas bon, oui. Ben, ça fait une catastrophe. C'est terrible. Ouais. Et donc, tous ces pesticides sont aussi beaucoup concentrés dans la rosée du matin, comme vous ben, dites. Disons, la terre rejette les substances. Alors, elle rejette certaines substances dans la rosée. D'accord. Et c'est vrai que j'ai quand même un petit peu entendu parler de Monsanto. Donc, est-ce que Monsanto est impliqué, entre autres, dans la disparition un peu des abeilles ? Alors, cette société-là est très très mal vue par les apiculteurs et c'est une société dont on refuse de parler. D'accord, on va respecter ce choix. C'est, après tout, oui, ça se comprend, mais en effet, c'est une espèce, les abeilles, qu'il faut protéger vu que, vous avez dit, sans les abeilles, beaucoup de choses risquent de changer. Alors, sans les abeilles, on aura du blé, on aura du riz. On aura de l'orge, mais il y a beaucoup de choses. On n'aura plus de navets, oui. Plus de radis, oui. Plus de carottes. Ah, c'est surprenant, ça pousse sous terre, ça. Bah oui, c'est des racines. Oui, mais pour faire une carotte, il faut semer une graine. Oui. Et cette graine-là, c'est l'abeille qui pollinise la fleur de carotte, qui va fabriquer la semence de carotte. Ah oui. Les radis, même chose. D'accord. Les haricots, pareil. Donc en fait, oui, sans les abeilles, on n'aura presque plus rien à manger. Ah ben, disons, on aura une assiette qui va être totalement différente et on ne sait pas si certaines plantes, même qu'elles n'ont pas besoin des abeilles pour la pollinisation, vont résister à ce cataclysme. Bien sûr, je comprends. Et d'ailleurs, en parlant de cataclysme et d'extinction des abeilles, j'entends aussi beaucoup parler de véganisme. J'ai plutôt rapidement envie de parler de véganisme avec vous. C'est vrai que la communauté végane a tendance à dire que les apiculteurs exploitent ou même surexploitent les abeilles et peut-être les maltraitent. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous ? Ah, ben alors, sur cette chose-là, bon, je pense que je peux penser. quand on cueille une salade... C'est une plante vivante, je pense qu'elle souffre. Elle aussi. Et oui, les arbres dans la forêt, quand il y a du vent, on les entend qui pleurent. Oui. Oui. Bon, ben ça c'est naturel. Et bon, les animaux, si on est dans cette optique-là, il faut pas rouler en voiture. Oui. Parce que quand on regarde l'avant d'un véhicule, avec toutes les petites bêtes qui sont mortes en percutant l'avant du véhicule, alors bon, mais l'apiculteur qui maltraite des abeilles, il ne le fait pas longtemps. Parce que son cheptel ne durera pas longtemps, c'est ça ? Ça ne pourra pas durer. Donc en fait, les apiculteurs sont aussi un petit peu les gardiens, les protecteurs des abeilles ? Ah ben, un apiculteur qui ne respecte pas ses petites bêtes, il ne le fait pas longtemps. Je peux comprendre. Et si quelqu'un n'a pas forcément envie d'être apiculteur, est-ce qu'il peut accueillir une maison d'abeilles ? Ça aussi, j'en ai entendu parler récemment. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, non, mais ça, il y a tout un tas de publicités qui sont faites. Il y a tout un tas de choses. Je pense que il y a tout un business qui se fait là. Oui. Donc, c'est pas forcément quelque chose de très très bien. Il faut... ceux qui accueillent une ruche, qui accueillent... Oh, c'est un business, c'est plus de l'apiculture, c'est pas... D'accord, donc ça, c'est pas forcément plus de la préservation d'espèces que, non, que d'acheter non. une maison d'abeilles. Voilà. Aussi petite soit-elle. Oui, c'est pas le but. Voilà, je pense que c'est un petit peu tout ce que je voulais vous demander. On va peut-être passer la dernière pause musicale, mais assez oui. rapidement. Une pause que vous aviez trouvée plutôt rigolote. Il s'agit du le poulet de Pierre Perret, c'est bien ça? Oui. Eh bien, on la met et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo pour la conclusion. Ça vous réjouit le palais, un poulet. Si l'oiseau a piètre figure, c'est qu'il a bouffé des cailloux, ce poulet, ou qu'on le nourrissait d'injures. Si de membres il est dépourvu, c'est qu'il vient de faire la guerre. S'il les a tous par imprévu, c'est qu'il a déserté naguère. Si vous savourez un poulet grassouillet, déserteur mais mort de vieillesse, ne mordez le blanc s'il en reste qu'après avoir eu pour sa hardiesse la pensée due à ce héros qui depuis sa plus tendre enfance faisait pipi sur le drapeau pendant la minute de silence. Ça vous réjouit le palais, un poulet, pour savoir si la bête est tendre. Vous lui triturez fortement les poignets. Si jamais il se fait entendre, c'est que le pauvre n'est pas mort. Dès lors vous regrettez le crime et honteux rongé de remords, replantez ses plumes et qu'il vive. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM dans l'émission L'heure des loups. Nous sommes toujours avec Pierre Tisserand du syndicat du miel et de la montagne Vosgienne et nous sommes bientôt au terme de notre émission, donc nous allons tout doucement faire une petite conclusion. Alors Pierre, si vous avez peut-être envie de vous adresser à nos auditeurs et leur parler un petit peu des abeilles et de résumer en fait un petit peu tout ce qui s'est dit, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer ? Une heure, c'est très court pour parler de l'apiculture. Oh oui, je vois. Le domaine étant tellement vaste, si vous voulez du miel, il faut s'adresser aux apiculteurs locaux. Vous aurez des produits de qualité. Bon, vous le trouverez peut-être un petit peu cher par rapport à certains produits qui sont sur le marché, mais vous aurez un produit de qualité. Pour sûr. Si vous voulez vous initier à l'apiculture, nous sommes là pour ça, nous organisons de la formation pour l'apiculture au Rucher des Abolets tous les ans. Il y a de nombreuses, c'est assez prenant sur une année, il y a de nombreuses séances de formation et qui se complètent l'une derrière l'autre. Qu'est-ce que je pourrais dire au niveau conclusion ? Déjà, si quelqu'un dans ce cas a envie de se former, comment est-ce qu'on peut vous joindre ? Eh bien, je suis le président, j'habite Remiremont. et puis, on a une permanence tous les troisièmes samedis de chaque mois, l'après-midi, au Rucher des Abolets, à l'Épanche, commune de Rue-sur-Moselle. D'accord, donc si quelqu'un veut aller jeter un œil, qu'il aille le troisième samedi du mois. Donc oui, c'est entre rue et Remiremont, oui, juste voilà. Après la route à 70, c'est bien oui, ça oui, oui. autre chose, bon ben je vois pas beaucoup de... Bah, c'est vrai qu'après, on a parlé de plein de choses. On a parlé d'environnement, on a parlé de pesticides, oui. On a parlé de bien-être. Puis, oui, la protection des abeilles. Alors oui. Là, pour le commun des mortels qui a un petit jardin, alors favoriser les fleurs qui sont bonnes pour les abeilles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fleurs composées où les abeilles ne vont pas. Ah, oui. Comment ça ? Eh bien, s'il n'y a rien à ramasser dans la fleur, des fleurs qui ont été modifiées par l'homme et qui sont des fleurs stériles, l'abeille ne va pas dessus. Alors qu'il y a de nombreuses fleurs que l'abeille va être pour lesquelles l'abeille va être attirée. Et ça, c'est une bonne solution de protéger les abeilles. Et si quelqu'un a envie, enfin, fait beaucoup de jardins et qui... qu'il a, comment dire, qui, qui veut quand même un petit peu se protéger de certains insectes, qui veut peut-être trouver une méthode alternative aux pesticides. Moi, je suis un jardinier amateur depuis 20 ans. Je n'utilise plus aucun produit pesticide dans mon jardin. Oui. Et je récolte toujours pareil. Donc, les pesticides... J'ai fait une énorme économie. Oui, une économie d'argent, alors qu'au final, ça change... Argent et travail, hein. Oui. Hein, y a d'autres méthodes que les pesticides. Et quand quelqu'un me dit, mais comment on peut faire ? Il y a un peu plus de 100 ans, les gens faisaient du jardin, ils récoltaient et ils n'utilisaient pas de pesticides, alors faisons pareil. Eh bien, c'est un message qui j'espère, atteindra les oreilles de nos auditeurs, qui nous atteindra à nous. N'hésitez pas. Et juste question comme ça, il n'y a pas un numéro pour joindre directement le syndicat ? C'est mon numéro personnel, le 03 29 62 24 53. Alors, n'hésitez pas à laisser un message parce que je campe pas devant le téléphone et j'ai un répondeur. Pour sûr, hein. Et si quelqu'un a réellement envie de vous joindre, hein, il saura comment faire ou il saura trouver la patience. Oui, on a toujours beaucoup de contacts et je suis le président du plus populeux des syndicats du département. Il y a 6 syndicats dans le département et c'est le syndicat Le Miel de la Montagne Vosgienne qui est le plus populeux. Le plus populeux avec 300 ruchers, c'est bien ça ? Plus de 300 adhérents. Plus de 300, c'est quand même beaucoup. Oui. Je pense que c'est tout pour nous. On va tout doucement faire la place à l'émission suivante, Fleur de peau avec André. Sauf si vous avez encore une dernière chose à ajouter. Qu'est-ce qu'on va ajouter ? Manger du miel, c'est la santé. Eh bien, je pense que c'est sur cette note sucrée qu'on va s'arrêter tout doucement. Je vous remercie sincèrement d'être venu. Je vous remercie aussi, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusque-là en espérant que ça vous a intéressé. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous accueillir. Et on se retrouvera peut-être pour une prochaine émission, tout simplement. On peut participer. Oui, on peut participer. Le domaine étant tellement vaste. Bon, en tout cas, je vous remercie et on se retrouve demain avec La Ferme du Benvise. La rediffusion, c'est de 7h à 8h le lendemain matin. Donc, on se retrouve demain soir pour de nouvelles aventures.